Un thème parfait pour un texte de rap et une prise de conscience qui vous est rappée. Va vous être rappelé, citoyen bluffé par des politiques fantomatiques, irréalistes et utopiques. Dur à croire, même leurs promesses resteront au stade théorique et donc jamais mises en pratique. Des lois bidons et en plastique, bénéfiques aux hommes publics qui s'enrichissent pendant que le peuple subit les sacrifices et surtout les préjudices de leur mentalité égocentrique et narcissique. Assis sur leurs acquis et son pouvoir hiérarchique, seul leur temps leur permettront de l'élargir et donc d'affaiblir les faibles au point de les faire partir et faire de leurs partisans des moutons par dizaines à part entière. Une vérité trop dure à rétablir, pense aux victimes de Tchernobyl et aux chômeurs qui accumulent les rides. Une réalité tragique, donc s'il vous plaît monsieur les politiques, continuez de nous mentir. On prévient les chefs d'État comme Agendo. C'est un assaut lyrique à l'attentat. Attentat. On prévient les chefs d'État comme Agendo. Tout brisé comme une vitre en éclat. En éclat. On prévient les chefs d'État comme Agendo. On n'est pas prêt, je te dis de baisser les bras. Non, non. On prévient les chefs d'État comme Agendo. La révolution se fera d'en bas. Tous les présidents mentent, ça fait partie de leur foutu job. Tu ne sais que jouer avec notre monnaie. Tu ne peux pas t'empêcher de pomper et de magouiller. Tu viens jouer le sauveur à la télé dans tous les médias. Nous baratiner avec la famine en Afrique. Car comme tu le sais, de tu ne t'en soucies même pas. C'est juste un vice de plus dans ton business de chef d'État. Les gens meurent de faim dans ma ville, personne s'en aperçoit. Même si je suis SOLO, je continue le combat. Pendant qu'au ministère, comme souvent, ça grouille à tout bas. Tu pourras même dormir tranquille à la fin de ton mandat. La révolution est prête pour les provas et ses stars. Ce n'est plus qu'une question de temps pour la France d'en bas. Si, ah. On prévient les chefs d'État comme Agendo. C'est un assaut lyrique à un attentat. Attentat. On prévient les chefs d'État comme Agendo. Tout brisé comme une vitre en éclat. On prévient les chefs d'État comme Agendo. On n'est pas prêt, je te dis de baisser les bras. Non, non. On prévient les chefs d'État comme Agendo. La révolution se fera d'en bas. Mauvaya, surtout les chefs d'État. Trop de bombes aux classes qui monopolisent les débats. Laissez Mauvaya, Mauvaya sur Babylon System qui nous entraîne par ses chaînes à la peine. Mauvaya, surtout les chefs d'État. Trop de bombes aux classes qui monopolisent les débats. Laissez Mauvaya, Mauvaya sur Babylon System qui nous entraîne par ses chaînes à la peine. George Bush et Vladimir Poutine, putain, ne veulent que le butin. Ça ne les dérange pas d'avoir du sang sur les mains. Alors je leur mets des clac clac. Open your eyes et mat mat. Des tournements de fond. On parle son massif, ça se gâte, gâte. On prévient les chefs d'État comme Agendo. C'est un assaut lyrique à un attentat. Attentat. On prévient les chefs d'État comme Agendo. Tout brisé comme une vitre en éclat. En éclat. On prévient les chefs d'État comme Agendo. On n'est pas prêt, je te dis de baisser les bras. Non, non. On prévient les chefs d'État comme Agendo. La révolution se fera d'en bas.